Section 12. Quatrième partie. Livre quatrième. Suite. Loin de précipiter cette légitimité, mieux avisé, on en eût étayé les ruines. À l'abri dans l'intérieur, on eût élevé le nouvel édifice comme on bâtit un vaisseau qui doit braver l'océan sous un bassin couvert taillé dans le roc. Ainsi la liberté anglaise s'est formée au sein de la loi normande. Il ne fallait pas répudier le fantôme monarchique. Ce centenaire du Moyen-Âge, comme Dandolo, avoit les yeux en la tête beau, et si, n'en veoit goutte. Vieillard qui pouvait guider les jeunes croisés et qui, paré de ses cheveux blancs, imprimait encore vigoureusement sur la neige ses pas ineffaçables. Que, dans nos craintes prolongées, des préjugés et des hontes vaniteuses nous aveuglent, on le conçoit. Mais la distante postérité reconnaîtra que la Restauration a été, historiquement parlant, une des plus heureuses phases de notre cycle révolutionnaire. Les parties dont la chaleur n'est pas éteinte peuvent s'écrier « Nous fûmes libres sous l'Empire, esclaves sous la monarchie de la Charte ». Les générations futures, ne s'arrêtant pas à cette contre-vérité, risible si elle n'était un sophisme, diront que les Bourbons rappelés prévinrent le démembrement de la France, qu'ils fondèrent parmi nous le gouvernement représentatif, qu'ils firent prospérer les finances, acquittèrent des dettes qu'ils n'avaient pas contractées et payèrent religieusement jusqu'à la pension de la sœur de Robespierre. Enfin, pour remplacer nos colonies perdues, ils nous laissèrent, en Afrique, une des plus riches provinces de l'Empire romain. Trois choses demeurent acquises à la légitimité restaurée. Elle est entrée dans Cadix, elle a donné à Navarin l'indépendance à la Grèce, elle a affranchi la chrétienté en s'emparant d'Alger, entreprises dans lesquelles avaient échoué Bonaparte, la Russie, Charles Quint et l'Europe. Montrez-moi un pouvoir de quelques jours et un pouvoir si disputé, lequel est accompli de telles choses. Je crois, la main sur la conscience, n'avoir rien exagéré et n'avoir exposé que des faits dans ce que je viens de dire sur la légitimité. Il est certain que les Bourbons ne voudraient ni ne pourraient rétablir une monarchie de châteaux et se cantonner dans une tribu de nobles et de prêtres. Il est certain qu'ils n'ont point été ramenés par les alliés. Ils ont été l'accident, non la cause de nos désastres, cause qui vient évidemment de Napoléon. Mais il est certain aussi que le retour de la troisième race a malheureusement coïncidé avec le succès des armes étrangères. Les Cosaques se sont montrés dans Paris au moment où l'on y revoyait Louis XVIII. Alors, pour la France humiliée, pour les intérêts particuliers, pour toutes les passions émues, la Restauration et l'invasion sont deux choses identiques. Les Bourbons sont devenus la victime d'une confusion des faits, d'une calomnie changée, comme tant d'autres, en une vérité mensonge. Hélas, il est difficile d'échapper à ces calamités que la nature et le temps produisent. On a beau les combattre, le bon droit n'entraîne pas toujours la victoire. Les Psylles, nations de l'ancienne Afrique, avaient pris les armes contre le vent du Midi. Un tourbillon s'éleva et engloutit ses braves. Les Nasamoniens, dit Hérodote, s'emparèrent de leur pays abandonné. En parlant de la dernière calamité des Bourbons, leur commencement me revient en mémoire. Je ne sais quel augure de leur tombe se fit entendre à leur berceau. Henri IV ne se vit pas plutôt maître de Paris qu'il fut saisi d'un pressentiment funeste. Les entreprises d'assassinat qui se renouvelaient sans alarmer son courage influaient sur sa gaieté naturelle. À la procession du Saint-Esprit, le 5 janvier 1595, il parut, habillé de noir, portant à la lèvre supérieure un emplâtre sur la blessure que Jean Châtel lui avait faite à la bouche en le voulant frapper au cœur. Il avait le visage morne. Madame de Balagny, lui en ayant demandé la cause, « Comment ? » lui répondit-il. Pourrais-je être content de voir un peuple si ingrat, qu'encore que j'ai fait et fasse tous les jours ce que je puis pour lui, et pour le salut duquel je voudrais sacrifier 1000 vies? Si Dieu m'en avoit donné autant, me dresser tous les jours de nouveaux attentats, car depuis que je suis ici, je noie à parler d'autre chose. Cependant, ce peuple criait « Vive le roi !»« Sire, dit un seigneur de la cour, voyez comme tout votre peuple se réjouit de vous voir. » Henri, secouant la tête, « C'est un peuple. Si mon plus grand ennemi est toi là où je suis, et qu'il le vit passer, il lui en feroit autant qu'à moi, et crieroit encore plus haut. » Un ligueur, apercevant le roi affaissé au fond de son carrosse, dit « Le voilà déjà au cul de la charrette. » Ne vous semble-t-il pas que ce ligueur parlait de Louis XVI allant du temple à l'échafaud ? Le vendredi 14 mai 1610, le roi, revenant des Feuillants avec Bassompierre et le duc de Guise, leur dit « Vous ne me connoissoyez pas maintenant, vous autres, et quand vous m'aurez perdu, vous connoîtrez alors ce que je valois et la différence qu'il y a de moi aux autres hommes. » « Mon Dieu, sire, repartit Bassompierre, ne cesserez-vous jamais de nous troubler en nous disant que vous mourrez bientôt ?» Et alors le maréchal retrace à Henri sa gloire, sa prospérité, sa bonne santé qui prolongeait sa jeunesse. « Mon ami, lui répondit le roi, il faut quitter tout cela. » Ravaillac était à la porte du Louvre. Bassompierre se retira et ne vit plus le roi que dans son cabinet. Il étoit étendu, dit-il, sur son lit. Et M. de Vic, assis sur le même lit que lui, avoit mis sa croix de l'ordre sur sa bouche et lui faisoit souvenir de Dieu. M. le Grand, en arrivant, se mit à genoux à la ruelle et lui tenoit une main qu'il baisoit, et je m'étois jeté à ses pieds que je tenois embrassé, en pleurant amèrement. Tel est le récit de Bassompierre. Poursuivi par ces tristes souvenirs, il me semblait que j'avais vu dans les longues salles de Hatchrin les derniers Bourbons passer, tristes et mélancoliques, comme le premier Bourbon dans la galerie du Louvre. J'étais venu baiser les pieds de la royauté après sa mort. Qu'elle meure à jamais ou qu'elle ressuscite, elle aura mes derniers serments. Le lendemain de sa disparition finale, la République commencera pour moi. Au cas que les parcs, qui doivent éditer mes mémoires, ne les publient pas incessamment, on saura quand ils paraîtront, quand on aura tout lu, tout pesé, jusqu'à quel point je me suis trompé dans mes regrets et dans mes conjectures. Respectant le malheur, respectant ce que j'ai servi et ce que je continuerai de servir au prix du repos de mes derniers jours, je trace mes paroles, vraies ou trompées, dans mes heures tombantes, feuilles séchées et légères que le souffle de l'éternité aura bientôt dispersées. Si les hautes races approchaient de leur terme, abstraction faite des possibilités de l'avenir et des espérances vivaces qui repoussent sans cesse au fond du cœur de l'homme, ne serait-il pas mieux que par une fin digne de leur grandeur, elles se retirassent dans la nuit du passé avec les siècles ? Prolonger ces jours au-delà d'une éclatante illustration ne vaut rien. Le monde se lasse de vous et de votre bruit. Il vous en veut d'être toujours là. Alexandre, César, Napoléon ont disparu selon les règles de la renommée. Pour mourir beau, il faut mourir jeune. Ne faites pas dire aux enfants du printemps « Comment, c'est là ce génie, cette personne, cette race à qui le monde battait des mains, dont on aurait payé un cheveu, un sourire, un regard, du sacrifice de la vie ?» Qu'il est triste de voir le vieux Louis XIV ne trouver auprès de lui, pour parler de son siècle, que le vieux duc de Villeroy. Ce fut une dernière victoire du grand Condé d'avoir, au bord de sa fosse, rencontré Bossuet. L'orateur ranima les eaux muettes de Chantilly. Avec l'enfance du vieillard, il repétrit l'adolescence du jeune homme. Il rebrunit les cheveux sur le front du vainqueur de Rocroi, en disant, lui, Bossuet, un immortel adieu à ses cheveux blancs. « Vous qui aimez la gloire, soignez votre tombeau. Couchez-vous-y bien. Tâchez d'y faire bonne figure, car vous y resterez. » Le chemin de Prague à Carlsbad s'allonge dans les ennuyeuses plaines qu'ensanglanta la guerre de 30 ans. En traversant la nuit ces champs de bataille, je m'humilie devant ce dieu des armées qui porte le ciel à son bras comme un bouclier. On aperçoit d'assez loin les monticules boisés au pied desquels se trouvent les eaux. Les beaux esprits des médecins de Carlsbad comparent la route au serpent d'Esculape qui, descendant la colline, vient boire à la coupe d'Igy. Du haut de la tour de la ville, stat turm, tour enmitrée d'un clocher, des gardiens sonnent de la trompe aussitôt qu'ils aperçoivent un voyageur. Je fus salué du son joyeux comme un moribond, et chacun de se dire avec transport dans la vallée « Voici un arthritique, voici un hypochondriaque, voici un myope. Hélas, j'étais mieux que tout cela, j'étais un incurable. » À 7 heures du matin, le 31, j'étais installé à l'écu d'or, auberge tenue au bénéfice du comte de Bolzona, très noble homme ruiné. Logeaient dans cet hôtel le comte et madame la comtesse de Cossé. Ils m'avaient devancé. et mon compatriote le général de Trogoff, naguère gouverneur du château de Saint-Cloud, ci-devant né à Landivisio dans le rayon de la lune de Landerneau, et tout trapu qu'il est, capitaine de grenadiers autrichiens à Prague pendant la Révolution. Il venait de visiter son seigneur Banni, successeur de Saint-Clodoald, moine en son temps à Saint-Cloud. Trogoff, après son pèlerinage, s'en retournait en Basse-Bretagne. Il emportait un rossignol de Hongrie et un rossignol de Bohême qui ne laissait dormir personne dans l'hôtel tant il se plaignait de la cruauté de Théré. Trogoff les bourrait de cœur de bœuf râpé sans pouvoir venir à bout de leur douleur. Et moestis lateloca questibus implet. Nous nous embrassâmes comme deux Bretons, Trogoff et moi. Le général, court et carré comme un celte de la Cornouaille, a de la finesse sous l'apparence de la franchise et du comique dans la manière de conter. Il plaisait assez à Madame la Dauphine et comme il sait l'allemand, elle se promenait avec lui. Instruite de mon arrivée par Madame de Cossé, elle me fit proposer de la voir à 9h30 ou à midi. À midi, j'étais chez elle. Elle occupait une maison isolée, à l'extrémité du village, sur la rive droite de la Teple, petite rivière qui se rue de la montagne et traverse Karlsbad dans sa longueur. En montant l'escalier de l'appartement de la princesse, j'étais troublé. J'allais voir, presque pour la première fois, ce modèle parfait des souffrances humaines, cette Antigone de la chrétienté. Je n'avais pas causé 10 minutes dans ma vie avec Madame la Dauphine. À peine m'avait-elle adressé, dans le cours rapide de ses prospérités, 2 ou 3 paroles. Elle s'était toujours montrée embarrassée avec moi. Bien que je n'eusse jamais écrit et parlé d'elle qu'avec une admiration profonde, Madame la Dauphine avait dû nécessairement nourrir à mon égard les préjugés de ce troupeau d'antichambres au milieu duquel elle vivait. La famille royale végétait, isolée dans cette citadelle de la bêtise et de l'envie qu'assiégeait sans pouvoir y pénétrer les générations nouvelles. Un domestique m'ouvrit la porte. J'aperçus Madame la Dauphine assise au fond d'un salon sur un sofa, entre 2 fenêtres brodant à la main un morceau de tapisserie. J'entrai si ému que je ne savais pas si je pourrais arriver jusqu'à la princesse. Elle releva la tête qu'elle tenait baissée tout contre son ouvrage, comme pour cacher elle-même son émotion, et, m'adressant la parole, elle me dit « Je suis heureuse de vous voir, monsieur de Chateaubriand. Le roi m'avait mandé votre arrivée. Vous avez passé la nuit, vous devez être fatigué. » Je lui présentai respectueusement les lettres de Madame la Duchesse de Berry. Elle les prit, les posa sur le canapé près d'elle et me dit « Asseyez-vous, asseyez-vous. » Puis elle recommença sa broderie avec un mouvement rapide, machinal et convulsif. Je me taisais. Madame la Dauphine gardait le silence. On entendait le piquet de l'aiguille et le tirer de la laine que la princesse passait brusquement dans le canevas sur lequel je vis tomber quelques pleurs. L'illustre infortuné les essuya dans ses yeux avec le dos de sa main, et sans relever la tête, elle me dit « Comment se porte ma sœur ? Elle est bien malheureuse, je la plains beaucoup, je la plains beaucoup. » Ces mots, brefs et répétés, cherchaient en vain à nouer une conversation dont les expressions manquaient aux 2 interlocuteurs. La rougeur des yeux de la Dauphine, causée par l'habitude des larmes, lui donnait une beauté qui la faisait ressembler à la Vierge du Spasimo. « Madame, répondis-je enfin, Madame, la Duchesse de Berry est bien malheureuse, sans doute, elle m'a chargée de venir remettre ses enfants sous votre protection pendant sa captivité. C'est un grand soulagement de penser que Henri V retrouve dans votre Majesté une seconde mère. » Pascal a eu raison de mêler la grandeur et la misère de l'homme. Qui pourrait croire que Madame la Dauphine compta pour quelque chose ces titres de reine, de majesté, qui lui étaient si naturels et dont elle avait connu la vanité? Eh bien, le mot « majesté » fut pourtant un mot magique. Il rayonna sur le front de la princesse, dont il écarta un moment les nuages, ils revinrent bientôt s'y replacer comme un diadème. « Oh non, non, monsieur de Chateaubriand, » me dit la princesse en me regardant et cessant son ouvrage, « je ne suis pas reine. » « Vous l'êtes, madame, vous l'êtes par les lois du royaume. Monseigneur le Dauphin n'a pu abdiquer que parce qu'il a été roi. La France vous regarde comme sa reine, et vous serez la mère de Henri V. » La Dauphine ne disputa plus. Cette petite faiblesse, en la rendant à la femme, voilait l'éclat de tant de grandeurs diverses, leur donnait une sorte de charme et les mettait plus en rapport avec la condition humaine. Je lus à haute voix ma lettre de créance, dans laquelle Madame la Duchesse de Berry m'expliquait son mariage, m'ordonnait de me rendre à Prague, demandait à conserver son titre de princesse française et mettait ses enfants sous la garde de sa sœur. La princesse avait repris sa broderie. Elle me dit, après la lecture, « Madame la Duchesse de Berry a raison de compter sur moi. C'est très bien, monsieur de Chateaubriand. Très bien. Je plains beaucoup ma belle-sœur. Vous le lui direz. » Cette insistance de Madame la Dauphine à dire qu'elle plaignait Madame la Duchesse de Berry sans aller plus loin me fit voir combien, au fond, il y avait peu de sympathie entre ces deux âmes. Il me paraissait aussi qu'un mouvement involontaire avait agité le cœur de la sainte rivalité de malheur. La fille de Marie-Antoinette n'avait pourtant rien à craindre dans cette lutte. La palme lui serait restée. Si madame, repris-je, voulait lire la lettre que madame la duchesse de Berry lui écrit et celle qu'elle adresse à ses enfants, elle y trouverait peut-être de nouveaux éclaircissements. J'espère que madame me remettra une lettre apportée à Blaye. Les lettres étaient tracées au citron. « Je n'entends rien à cela, » dit la princesse. « Comment allons-nous faire ?» Je proposai le moyen d'un réchaud avec quelques éclisses de bois blanc. Madame tira la sonnette, dont le cordon descendait derrière le sofa. Un valet de chambre vint, reçut les ordres et dressa l'appareil sur le palier à la porte du salon. Madame se leva et nous allâmes au réchaud. Nous le mîmes sur une petite table, adjoignant la rampe de l'escalier. Je pris une des deux lettres et la présentai parallèlement à la flamme. Madame la Dauphine me regardait et souriait parce que je ne réussissais pas. Elle me dit « Donnez, donnez, je vais essayer à mon tour. » Elle passa la lettre au-dessus de la flamme. La grande écriture ronde de Madame la Duchesse de Berry parut, même opération pour la seconde lettre. Je félicitai Madame de son succès. Étrange scène, la fille de Louis XVI déchiffrant avec moi, au haut d'un escalier à Carlsbad, les caractères mystérieux que la captive de Blaye envoyait à la captive du Temple. Nous revînmes nous asseoir dans le salon. La Dauphine lut la lettre qui lui était adressée. Madame la Duchesse de Berry remerciait sa sœur de la part qu'elle avait prise à son infortune, lui recommandait ses enfants et plaçait particulièrement son fils sous la tutelle des vertus de sa tante. La lettre aux enfants était quelques mots de tendresse. La Duchesse de Berry invitait Henri à se rendre digne de la France. Madame la Dauphine me dit « Ma sœur me rend justice, j'ai bien pris part à ses peines. Elle a dû beaucoup souffrir. Vous lui direz que j'aurai soin de monsieur le duc de Bordeaux. Je l'aime bien. Comment l'avez-vous trouvé? Sa santé est bonne, n'est-ce pas? Il est fort, quoiqu'un peu nerveux. » Je passai deux heures en tête-à-tête avec madame, honneur qu'on a rarement obtenu. Elle paraissait contente. Ne m'ayant jamais connue que sur des récits ennemis, elle me croyait sans doute un homme violent, bouffi de mon mérite. Elle me savait gré d'avoir figure humaine et d'être un bon garçon. Elle me dit, avec cordialité, « Je vais me promener pour le régime des eaux. Nous dînerons à 3 heures. Vous viendrez si vous n'avez pas besoin de vous coucher. Je veux vous voir tant que cela ne vous fatiguera pas. » Je ne sais à quoi je devais mon succès, mais certainement la glace était rompue, la prévention effacée. Ces regards qui s'étaient attachés au temple, sur les yeux de Louis XVI et de Marie-Antoinette, s'étaient reposés avec bienveillance sur un pauvre serviteur. Toutefois, si j'étais parvenu à mettre la Dauphine à l'aise, je me sentais extrêmement contraint. La peur de dépasser certains niveaux m'ôtait jusqu'à cette faculté des choses communes que j'avais auprès de Charles X. Soit que je n'eusse pas le secret de tirer de l'âme de madame ce qui s'y trouve de sublime, soit que le respect que j'éprouvais fermât le chemin à la communication de la pensée, je sentais une stérilité désolante qui venait de moi. À 3 heures, j'étais revenu chez madame la Dauphine. J'y rencontrai madame la comtesse Esterhazy et sa fille, madame Dagou, messieurs Hogerty, fils, et de Trogoff. Ils avaient l'honneur de dîner chez la princesse. La comtesse Esterhazy, jadis belle, est encore bien. Elle avait été liée à Rome avec monsieur le duc de Blacas. On assure qu'elle se mêle de politique et qu'elle instruit monsieur le prince de Metternich de tout ce qu'elle apprend. Quand, au sortir du temple, madame fut envoyée à Vienne, elle rencontra la comtesse Esterhazy, qui devint sa compagne. Je remarquai qu'elle écoutait attentivement mes paroles. Elle eut le lendemain la naïveté de dire devant moi qu'elle avait passé la nuit à écrire. Elle se disposait à partir pour Prague. Une entrevue secrète était fixée dans un lieu convenu avec M. de Blacas. De là, elle se rendait à Vienne. Vieux attachements rajeunis par l'espionnage. Quelles affaires et quels plaisirs. Mademoiselle Esterhazy n'est pas jolie, elle a l'air spirituelle et méchant. La vicomtesse d'Agoult, aujourd'hui dévote, est une personne importante, comme on en trouve dans tous les cabinets des princesses. Elle a poussé sa famille tant qu'elle a pu, en s'adressant à tout le monde, particulièrement à moi. J'ai eu le bonheur de placer ses neveux. Elle en avait autant que feu l'archichancelier Cambacérès. Le dîner fut si mauvais et si exigu que j'en sortis mourant de faim. Il était servi dans le salon même de Madame la Dauphine, car elle n'avait point de salle à manger. Après le repas, on enleva la table. Madame revint s'asseoir sur le sofa, reprit son ouvrage, et nous fîmes cercle autour. Trogoff conta des histoires. Madame les aime. Elle s'occupe particulièrement des femmes. Il fut question de la duchesse de Guiche. « Ses tresses ne lui vont pas bien, » dit la dauphine à mon grand étonnement. De son sofa, Madame voyait à travers la fenêtre ce qui se passait au dehors. Elle nommait les promeneurs et les promeneuses. Arrivèrent deux petits chevaux avec deux jockeys vêtus à l'écossaise. Madame cessa de travailler, regarda beaucoup et dit « C'est Madame, j'ai oublié le nom, qui va dans la montagne avec ses enfants. » Marie-Thérèse, curieuse, sachant les habitudes du voisinage, la princesse des trônes et des échafauds, descendue des hauteurs de sa vie au niveau des autres femmes, m'intéressait singulièrement. Je l'observais avec une sorte d'attendrissement philosophique. À 5 heures, la dauphine s'alla promener en calèche. À 7, j'étais revenu à la soirée. Même établissement. Madame sur le sofa, les personnes du dîner et 5 ou 6 jeunes et vieilles buveuses d'eau élargissant le cercle. La dauphine faisait des efforts touchants mais visibles pour être gracieuse. Elle adressait un mot à chacun. Elle me parla plusieurs fois en affectant de me nommer pour me faire connaître. Mais entre chaque phrase, elle retombait dans une distraction. Son aiguille multipliait ses mouvements, son visage se rapprochait de sa broderie. J'apercevais la princesse de profil et je fus frappé d'une ressemblance sinistre. Madame a pris l'air de son père. Quand je voyais sa tête baissée comme sous le glaive de la douleur, je croyais voir celle de Louis XVI attendant la chute du glaive. À 8h30, la soirée finie, je me couchais, accablé de sommeil et de lassitude. Le vendredi 31 de mai, j'étais debout à 5 heures. À 6, je me rendis au Mühlenbad, bain du moulin. Les buveurs et les buveuses se pressaient autour de la fontaine, se promenaient sous la galerie de bois à colonnes ou dans le jardin attenant à cette galerie. Madame la dauphine arriva, vêtue d'une mesquine robe de soie grise. Elle portait sur ses épaules un châle usé et sur sa tête un vieux chapeau. Elle avait l'air d'avoir accommodé ses vêtements, comme sa mère à la conciergerie. Monsieur Hogerty, son écuyer, lui donnait le bras. Elle se mêla à la foule et présenta sa tasse aux femmes qui puisent l'eau de la source. Personne ne faisait attention à Madame la comtesse de Marne. Marie-Thérèse, sa grand-mère, bâtit en 1762 la maison dite du Mühlenbad. Elle octroya aussi à Karlsbad les cloches qui devaient appeler sa petite-fille au pied de la croix. Madame, étant entrée dans le jardin, je m'avançai vers elle. Elle sembla surprise de cette flatterie de courtisan. Je m'étais rarement levé si matin pour les personnes royales, or peut-être le 13 février 1820, lorsque j'allais chercher le duc de Berry à l'opéra. La princesse me permit de faire 5 ou 6 tours de jardin à ses côtés, causa avec bienveillance, me dit qu'elle me recevrait à 2 heures et me donnerait une lettre. Je la quittai par discrétion, je déjeunai à la hâte et j'employai le temps qui me restait à parcourir la vallée. Karlsbad, 1er juin 1833. Comme Français, je ne trouvais à Karlsbad que des souvenirs pénibles. Cette ville prend son nom de Charles IV, roi de Bohême, qui s'y vint guérir de 3 blessures reçues à Crécy en combattant auprès de son père, Jean. Lobkowitz prétend que Jean fut tué par un Écossais, circonstance ignorée des historiens. Sed cum gallorum fines et amica tuetur, arroi Caledonia cuspide fossus obit. Tandis qu'il défend les confins des Gaules et les champs amis, il meurt percé d'une lance calédonienne. Le poète n'aurait-il pas mis Calédonia pour la quantité? En 1346, Édouard était en guerre avec Robert Bruce, et les Écossais étaient alliés de Philippe. La mort de Jean de Bohême l'aveugle, à Crécy, est une des aventures les plus héroïques et les plus touchantes de la chevalerie. Jean voulait aller au secours de son fils Charles. Il dit à ses compagnons « Seigneur, vous êtes mes amis. Je vous requiers que vous me meniez si avant que je puisse férir un coup d'épée. » Ils répondirent que volontiers ils le feront. Le roi de Bohême alla si avant qu'il férit un coup de son épée, voire plus de quatre, et recombattit moult vigoureusement, et aussi firent ceux de sa compagnie. Et si avant s'y boutèrent sur les Anglois, que tous y demourèrent, et furent le lendemain trouvés sur la place autour de leur seigneur et tous leurs chevaux liés ensemble. On ne sait guère que Jean de Bohême était enterré à Montargis, dans l'église des Dominicains, et qu'on lisait sur sa tombe ce reste d'une inscription effacée. Il trépassa à la tête de ses gens, ensemblement les recommandant à Dieu le Père, priez Dieu pour ce doux roi. Puis se souvenir d'un Français expier l'ingratitude de la France, lorsqu'au jour de nos nouvelles calamités, nous épouvantâmes le ciel par nos sacrilèges, et jetâmes hors de sa tombe un prince mort pour nous au jour de nos anciens malheurs. À Carlsbad, les chroniques racontent que Charles IV, fils du roi Jean, étant à la chasse, un de ses chiens s'élançant après un cerf, tomba du haut d'une colline dans un bassin d'eau bouillante. Ses hurlements firent accourir les chasseurs et la source du Spreedel fut découverte. Un pourceau qui s'échauda dans les eaux de Teuplitz les indiqua à ses pâtres. Telles sont les traditions germaniques. J'ai passé à Corinthe. Les débris du temple des courtisanes étaient dispersés sur les cendres de Glycère, mais la fontaine Pyrène, née des pleurs d'une nymphe, coulait encore parmi les lauriers roses où volait, au temps des muses, le cheval Pégase. La vague d'un port sans vaisseau baignait des colonnes tombées, dont le chapiteau trempait dans la mer, comme la tête de jeunes filles noyées étendues sur le sable. Le myrte avait poussé dans leur chevelure et remplaçait la feuille d'acanthe. Voilà les traditions de la Grèce. On compte à Carlsbad 8 fontaines. La plus célèbre est le Spreedel, découverte par le limier. Cette fontaine héberge de la terre entre l'église et la teple, avec un bruit creux et une vapeur blanche. Elle saute par bonds irréguliers à 6 ou 7 pieds de haut. Les sources de l'Islande sont seules supérieures au Spreedel, mais nul ne vient chercher la santé dans les déserts de l'éclat où la vie expire, où le jour de l'été sortant du jour n'a ni couchant ni aurore, où la nuit de l'hiver renaissant de la nuit est sans aube et sans crépuscule. L'eau du Spreedel cuit les œufs et sert à laver la vaisselle. Ce beau phénomène est entré au service des ménagères de Carlsbad. Image du génie qui se dégrade en prêtant sa puissance à des œuvres viles. M. Alexandre Dumas a fait une traduction libre de l'ode latine de Lobkowitz sur le Spreedel. Fons Heliconianum, etc. Fontaine consacrée aux hymnes du poète, quel est donc le foyer de ta chaleur secrète? D'où vient ton lit brûlant et de soufre et de chaud? La flamme dont l'Etna n'embrase plus les nues s'ouvre-t-elle vers toi des routes inconnues? Ou, voisine du Styx, fait-il bouillir tes eaux? Carlsbad est le rendez-vous ordinaire des souverains. Ils devraient bien s'y guérir de la couronne pour eux et pour nous. On publie une liste quotidienne des visiteurs du Spreedel. Sur les anciens rôles, on lit les noms des poètes et des hommes de lettres les plus éclairés du Nord, Gurovski, Dunker, Weiss, Herder, Goethe. J'aurais voulu y trouver celui de Schiller, objet de ma préférence. Dans la feuille du jour, parmi les arrivants obscurs, on remarque le nom de la comtesse de Marne. Il est seulement imprimé en petite capitale. En 1830, au moment même de la chute de la famille royale à Saint-Cloud, la veuve et les filles de Christophe prenaient les eaux de Carlsbad. Leurs majestés haïtiennes sont retirées en Toscane auprès des majestés napoléoniennes. La plus jeune fille du roi Christophe, très instruite et fort jolie, est morte à Pise. Sa beauté d'ébène repose libre sous les portiques du Campo Santo, loin du champ des cannes et des mangliers, à l'ombre desquels elle était née esclave. On a vu à Carlsbad en 1826 une Anglaise de Calcutta passée du figuier bagnant à l'olivier de Bohême, du soleil du Gange à celui de la Teple. Elle s'éteignait comme un rayon du ciel indien égaré dans le froid et la nuit. Le spectacle des cimetières, dans les lieux consacrés à la santé, est mélancolique. Là sommeillent de jeunes femmes étrangères les unes aux autres. Sur leurs tombeaux sont gravés le nombre de leurs jours et l'indication de leur patrie. On croit parcourir une serre où l'on cultive des fleurs de tous les climats et dont les noms sont écrits sur une étiquette au pied de ces fleurs. La loi indigène est venue au-devant des besoins de la mort exotique. Prévoyant le décès des voyageurs loin de leur pays, elle a permis d'avance les exhumations. J'aurais donc pu dormir dans le cimetière de Saint-André une dizaine d'années, et rien n'aurait entravé les dispositions testamentaires de ses mémoires. Si Madame la Dauphine décédait ici, les lois françaises permettraient-elles le retour de ses cendres ? Ce serait un point de controverse entre les sorboniqueurs de la doctrine et les casuistes de proscription. Les eaux de Carlsbad sont, assure-t-on, bonnes pour le foie et mauvaises pour les dents. Quant au foie, je n'en sais rien, mais il y a beaucoup d'édentés à Carlsbad. Les années, plus que les eaux, sont peut-être coupables du fait. Le temps est un insigne menteur et un grand arracheur de dents. Ne vous semble-t-il pas que je recommence le chef-d'œuvre d'un inconnu ? Un mot me mène à un autre. Je m'en vais en Islande et aux Indes. Voilà les Apennins et voici le Caucase. Et pourtant, je ne suis pas encore sorti de la vallée de la Teple. Pour voir d'un coup d'œil la vallée de la Teple, je gravis une colline à travers un bois de pin. Les colonnes perpendiculaires de ces arbres formaient un angle aigu avec le sol incliné. Les uns avaient leur cime, les deux tiers, la moitié, le quart de leur tronc où les autres avaient leurs pieds. J'aimerais toujours les bois. La flore de Carlsbad, dont le souffle avait brodé les gazons sous mes pas, me paraissait charmante. Je retrouvais la lèche digitée, la belladone vulgaire, la salicaire commune, le millepertuis, le muguet vivace, le saule cendré, doux sujet de mes premières anthologies. Voilà que ma jeunesse vient suspendre ses réminiscences aux tiges de ces plantes que je reconnais en passant. Vous souvenez-vous de mes études botaniques chez les siminoles, de mes œnothères, de mes nymphéas dont je parais mes floridiennes, des guirlandes de clématites dont elles enlaçaient la tortue, de notre sommeil dans l'île au bord du lac, de la pluie de roses du magnolia qui tombait sur nos têtes? Je n'ose calculer l'âge qu'aurait à présent ma volage fille peinte. Que cueillerai-je aujourd'hui sur son front? Les rides qui sont sur le mien. Elle dort sans doute à l'éternité sous les racines d'une cyprière de l'Alabama. Et moi qui porte en ma mémoire ces souvenirs lointains, ignorés, je vis. Je suis en Bohême, non pas avec Atala et Selouta, mais auprès de Madame la Dauphine qui va me donner une lettre pour Madame la Duchesse de Berry. À 1 heure, j'étais aux ordres de Madame la Dauphine. Vous voulez partir aujourd'hui, monsieur de Chateaubriand? Si votre majesté le permet, je tâcherai de retrouver en France Madame de Berry, autrement je serais obligé de faire le voyage de Sicile, et son Altesse royale serait trop longtemps privée de la réponse qu'elle attend. Voilà un billet pour elle. J'ai évité de prononcer votre nom pour ne pas vous compromettre en cas d'événement. Lisez. Je lus le billet. Il était tout entier de la main de Madame la Dauphine. Je l'ai copié exactement. Carlsbad, ce 31 mai 1833. J'ai éprouvé une vraie satisfaction, ma chère sœur, à recevoir enfin directement de vos nouvelles. Je vous plains de toute mon âme, comptez toujours sur mon intérêt constant pour vous et surtout pour vos chers enfants, qui me seront plus précieux que jamais. Mon existence, tant qu'elle durera, leur sera consacrée. Je n'ai pas encore pu faire vos commissions à notre famille, ma santé ayant exigé que je vinsse ici prendre les eaux, mais je m'en acquitterai aussitôt mon retour près d'elle, et croyez que nous n'aurons, eux et moi, jamais que les mêmes sentiments sur tout. Adieu, ma chère sœur, je vous plains du fond de mon cœur et vous embrasse tendrement. M. T. Je fus frappée de la réserve de ce billet. Quelques expressions vagues d'attachement couvraient mal la sécheresse du fond. J'en fis la remarque respectueuse et plaidait de nouveau la cause de l'infortunée prisonnière. Madame me répondit que le roi en déciderait. Elle me promit de s'intéresser à sa sœur, mais il n'y avait rien de cordial ni dans la voix ni dans le ton de la dauphine. On y sentait plutôt une irritation contenue. La partie me sembla perdue quant à la personne de ma cliente. Je me rabattis sur Henri V. Je crus devoir à la princesse la sincérité dont j'avais toujours usé à mes risques et périls pour éclairer les Bourbons. Je lui parlais sans détour et sans flatterie de l'éducation de M. le duc de Bordeaux. Je sais que Madame a lu avec bienveillance une brochure à la fin de laquelle j'exprimais quelques idées relatives à l'éducation de Henri V. Je crains que les entours de l'enfant ne nuisent à sa cause. Messieurs de Damas, de Blacas et Latil ne sont pas populaires. Madame en convint. Elle abandonna même tout à fait M. de Damas en disant deux ou trois mots à l'honneur de son courage, de sa probité et de sa religion. Au mois de septembre, Henri V sera majeur. Madame ne pense-t-elle pas qu'il serait utile de former auprès de lui un conseil dans lequel on ferait entrer des hommes que la France regarde avec moins de prévention? M. de Chateaubriand, en multipliant les conseillers, on multiplie les avis. Et puis, qui proposeriez-vous au choix du roi? M. de Villèle. Madame qui brodait arrêta son aiguille, me regarda avec étonnement et m'étonna à son tour par une critique assez judicieuse du caractère et de l'esprit de M. de Villèle. Elle ne le considérait que comme un administrateur habile. « Madame est trop sévère, lui dis-je. M. de Villèle est un homme d'ordre, de comptabilité, de modération, de sang-froid, et dont les ressources sont infinies. S'il n'avait eu l'ambition d'occuper la première place, pour laquelle il n'est pas suffisant, c'eût été un ministre à garder éternellement dans le conseil du roi. On ne le remplacera jamais. Sa présence auprès de Henri V serait du meilleur effet. Je croyais que vous n'aimiez pas M. de Villèle. Je me mépriserais si, après la chute du trône, je continuais de nourrir le sentiment de quelques mesquines rivalités. Nos divisions royalistes ont déjà fait trop de mal. Je les abjure de grand cœur et suis prêt à demander pardon à ceux qui m'ont offensé. Je supplie votre majesté de croire que ce n'est là ni l'étalage d'une fausse générosité, ni une pierre posée en prévision d'une future fortune. Que pourrais-je demander à Charles X dans l'exil? Si la restauration arrivait, ne serais-je pas au fond de ma tombe? Madame me regarda avec affabilité. Elle eut la bonté de me louer par ces seuls mots. « C'est très bien, monsieur de Chateaubriand. » Elle semblait toujours surprise de trouver un Chateaubriand si différent de celui qu'on lui avait peint. « Il est une autre personne, madame, qu'on pourrait appeler, repris-je. Mon noble ami, monsieur l'aîné. Nous étions trois hommes en France qui ne devions jamais prêter serment à Philippe. Moi, monsieur l'aîné et monsieur Royer-Collard. En dehors du gouvernement et dans des positions diverses, nous aurions formé un triumvirat de quelque valeur. Monsieur l'aîné a prêté son serment par faiblesse, monsieur Royer-Collard par orgueil. Le premier en mourra, le second en vivra, parce qu'il vit de tout ce qu'il fait, ne pouvant rien faire qui ne soit admirable. Vous avez été content de monsieur le duc de Bordeaux? Je l'ai trouvé charmant. On assure que votre majesté le gâte un peu. Oh non, non, sa santé. En avez-vous été content? Il m'a semblé se porter à merveille. Il est délicat et un peu pâle. Il a souvent de belles couleurs, mais il est nerveux. Monsieur le Dauphin est fort estimé dans l'armée, n'est-ce pas? Fort estimé? On se souvient de lui, n'est-ce pas? Cette brusque question, sans liaison avec ce que nous venions de dire, me dévoila une plaie secrète que les jours de Saint-Cloud et de Rambouillet avaient laissée dans le cœur de la Dauphine. Elle ramenait le nom de son mari pour se rassurer. Je courus au-devant de la pensée de la princesse et de l'épouse. J'affirmai avec raison que l'armée se souvenait toujours de l'impartialité, des vertus, du courage de son généralissime. Voyant l'heure de la promenade arriver, « Votre Majesté n'a plus d'ordre à me donner, je crains d'être importun. Dites à vos amis combien j'aime la France, qu'ils sachent bien que je suis française. Je vous charge particulièrement de dire cela. Vous me ferez plaisir de le dire. Je regrette bien la France. Je regrette beaucoup la France. Ah, madame, que vous a donc fait cette France, vous qui avez tant souffert? Comment avez-vous encore le mal du pays? Non, non, monsieur de Chateaubriand, ne l'oubliez pas. Dites-leur bien à tous que je suis française, que je suis française. » Madame me quitta. Je fus obligée de m'arrêter dans l'escalier avant de sortir. Je n'aurais pas osé me montrer dans la rue. Mes pleurs mouillent encore ma paupière en retraçant cette scène. Rentré à mon auberge, je repris mon habit de voyage. Tandis qu'on apprêtait la voiture, Trogoff bavardait. Il me redisait que Madame la Dauphine était très contente de moi, qu'elle ne s'en cachait pas, qu'elle le racontait à qui voulait l'entendre. « C'est une chose immense que votre voyage !» criait Trogoff, tâchant de dominer la voix de ces deux rossignols. « Vous verrez les suites de cela !» Je ne croyais à aucune suite. J'avais raison. On attendait le soir même Monsieur le duc de Bordeaux. Bien que tout le monde connût son arrivée, on m'en avait fait mystère. Je me donnais garde de me montrer instruit du secret. À 6 heures du soir, je roulais vers Paris. Quelle que soit l'immensité de l'infortune à Prague, la petitesse de la vie de prince, réduite à elle-même, est désagréable à avaler. Pour en boire la dernière goutte, il faut avoir brûlé son palais et s'être enivré d'une foi ardente. Hélas, nouveau Simac, je pleure l'abandon des autels. Je lève les mains vers le Capitole. J'invoque la majesté de Rome. Mais si le dieu était devenu de bois et que Rome ne se ranima plus dans sa poussière. Fin de la section 12.